il me fait plaisir de vous accueillir pour cette soirée qui va vous être présentée par M. André Vézeau, M. Jean Iraka, chef du service des inventaires et plans à la direction de l'Abitibi-Témiscamingue au ministère des Transports, M. Gilbert Lard, technicien en travaux publics principal au ministère des Transports, vous présenteront ce soir le concept du carrefour giratoire. Une période de questions suivra évidemment cette rencontre. Donc, il me fait le plaisir de passer la parole à M. le maire André Vézeau. J'aime mieux dire des bains que je suis bien gros. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et le mandataire aussi. Merci beaucoup de vous être présenté ce soir. J'aimerais premièrement vous remercier en mon nom, bien sûr, mais surtout au nom du conseil au complet et de l'équipe de gestionnaire de la ville qui travaille là-dessus depuis quelques temps. Aujourd'hui, c'est la troisième soirée d'information qu'on a pour les divers dossiers de la ville. Puis c'est le fun de voir qu'il y a toujours autant de monde qui sont intéressés à ça. On a plusieurs demandes qui se sont faites au niveau du carrefour giratoire. Comment ça va se passer? C'est-tu sécuritaire, etc., etc. On a, au niveau du conseil de ville, décidé qu'il y avait un feu de circulation, un stop, un carrefour giratoire, un feu de circulation, un stop. En tout cas, on va arrêter de tourner en rond. Puis, on va demander aux spécialistes qui nous expliquent exactement c'est quoi les avantages. Les avantages d'un carrefour giratoire. Je voudrais remercier M. Iraka et M. Lard du ministère qui ont bien voulu accepter de venir nous voir en pleine soirée comme ça pour nous expliquer ça. Je vais les laisser faire la présentation. Après, je reviendrai s'il y a des questions et des commentaires à y avoir. Fait que je demanderai à M. Iraka et M. Lard. Là, ils ont passé, les autres, comme plus minces comme ça. Alors, bonsoir. Je veux remercier M. le maire et le conseil municipal de la Mélartic qui nous a invités à vous parler ce soir là, des concepts de carrefour giratoire. Je vais, dès à présent, je me présente, Jean Iraka, du ministère des Transports, mon collègue, Gilbert Lard, qui est technicien en travaux publics principal, qui est un des spécialistes là, en région en ce qui concerne les carrefours giratoires. Je vais laisser M. Lard vous faire la présentation, puis après ça, on verra là, à traiter vos préoccupations et vos questions. Alors, bonsoir. Ce qu'on veut vous présenter ce soir, ce n'est pas nécessairement le concept de carrefour giratoire tel qu'il est pensé à Mélartic, mais plus qu'est-ce que c'est les avantages d'un giratoire et pourquoi un giratoire, où ça nous mène, un giratoire. Les avantages dans un cas comme Mélartic d'avoir un giratoire à la rue de l'accueil, c'est que ça permet de réellement délimiter le secteur rural du secteur urbain. Autrement dit, ça sert de porte d'entrée. Les usagers, quand ils s'en viennent de Rouyn-Noranda en destination de Val-d'Or, de Mélartic, et plus au sud, bien, ils se rendent compte qu'il y a un obstacle dans le chemin. Un carrefour giratoire, c'est un obstacle, ça se doit d'être contourné. Ça sert de porte d'entrée. Ce que ça fait également, c'est que ça favorise l'abaissement des vitesses. Veux pas un giratoire, la géométrie, la façon dont c'est conçu, normalement, c'est affiché à 25 km à l'heure, donc l'usager, il peut difficilement, il ne peut pas accélérer là-dedans. Parce que giratoire, de la façon dont c'est conçu, le devers, il est complètement à l'envers, hein? il est inversé. Ça fait que le véhicule qui essaye d'accélérer là-dedans complètement, c'est pas confortable. Donc, c'est une façon de contrôler la vitesse, puis de faire en sorte que l'usager va réussir à rentrer à la vitesse que l'on désire dans l'agglomération. Ça aide également faciliter la circulation dans le sens que tout ce qui s'appelle possibilité de développement, si les approches secondaires, l'accueil, il y a beaucoup de maisons qui se rajoutent, ben, au niveau de la capacité, la fluidité de la circulation, on appelle ça la capacité, c'est très grand. Ça peut prendre beaucoup de véhicules avant de rencontrer des problèmes de circulation ou de faire des ajustements quelconques. Ça peut prendre énormément de véhicules en quantité. Bon, on a parlé de la capacité, ce dont je viens de discuter. C'est un peu en lien, c'est la même chose. Ça permet justement de dire on fait du développement autour du gérapoir sans affecter la circulation. Les accidents. Quand on parle des accidents dans les gératoires, il se produit des accidents dans les gératoires, mais c'est jamais des accidents graves. C'est toujours pratiquement de la tôle. Il y a très peu d'accidents qui se produisent dans les gératoires qui font des blessés, des dommages corporels. Ça s'explique, on va le voir un petit peu plus loin, parce qu'on appelle les points de conflit, contrairement à ce qu'on retrouve dans un carrefour conventionnel à feu ou un carrefour avec des panneaux arrêt. C'est tout simplement une question de vitesse entre les véhicules. Hein. Les usagers qui circulent dans le gératoire circulent à très basse vitesse, donc quand il y a des impacts, que deux véhicules se frappent, ça ne fait que de la tôle. C'est très, très rare qu'on retrouve des blessés. D'ailleurs, historiquement, dans la région, il y a eu une fois qu'il y a eu un blessé dans un carrefour giratoire depuis qu'il en existe, dans notre région. Puis il avait frappé, pas le giratoire, mais il avait frappé un véhicule à l'entrée là, dans la file d'attente. Bon, pourquoi qu'un giratoire c'est si sécuritaire que ça? Si on peut aller à l'autre acétate, s'il vous plaît. Au niveau de la conception, on parle d'une déflexion. Une déflexion, c'est une espèce de ballon qui se fait à l'entrée du giratoire, qui fait une espèce de couloir qui oblige l'usager à ralentir sa vitesse avant d'arriver au giratoire. Oui, excusez. C'est ça. C'est une espèce de ballon qu'on voit à l'entrée du giratoire. Il y en a à Val-d'Or, à quelques endroits, où ce que l'usager... Il n'y a pas le choix de prendre cette espèce de couloir-là pour pouvoir rentrer dans le giratoire, ce qui fait en sorte qu'il arrive à très basse vitesse. Le sens unique dans l'anneau, le fait que tout le monde circule dans la même direction et que c'est un CD, donc la priorité est dans l'anneau, ça et tout, ça fait en sorte que les usagers qui arrivent n'ont pas le choix, ils doivent ralentir leur vitesse avant de rentrer dans le giratoire, ce qui rend le giratoire très sécuritaire. La frustration qui résulte des temps d'attente. Hein. Sur un feu de circulation, il n'y a rien de pire que d'arriver quand le feu arrive jaune ou rouge. Hein. Le jaune, la plupart des usagers, ce que ça veut dire, c'est accélère. On essaie de passer avant qu'elle tombe rouge. Mais dans un giratoire, ça ne se produit pas ça. Parce qu'il n'y a pas de. Compte tenu qu'il y a beaucoup de capacité, bien, les gens savent qu'ils ne vont pas attendre. C'est un cycle de feu de circulation, c'est une minute et demie. Donc, on ne va pas attendre une minute et demie avant de pouvoir circuler. Ils savent qu'ils vont attendre quelques secondes parce qu'il y a quelqu'un en avant d'eux qui circule dans le giratoire. Mais le temps d'attente est beaucoup plus court. Donc, ça occasionne moins de frustration pour l'usager en arrière du volant. Bon, les vitesses, on en a parlé. Compte tenu que les véhicules vont à des vitesses tellement basses et qu'il n'y a pas d'écart de vitesse entre les véhicules, contrairement à un carrefour à feu de circulation, où ce qu'un usager bon, qui voit un feu jaune doit arrêter, alors qu'un usager dans la direction opposée, lui, peut décider de forcer le feu vert, puis décider de l'arrêter, c'est là qu'on voit les pires collisions, hein, les collisions latérales, les collisions de côté. Là, dans les giratoires, aucun conflit de cisaillement, c'est-à-dire des conflits de véhicules qui se frappent à angle droit. Les blessures les plus importantes, souvent lors d'un accident, dans les carrefours, c'est les accidents qui se produisent lorsqu'un véhicule frappe le côté d'un autre véhicule. Il n'y a pas plus mauvais endroit pour faire un accident parce que le point d'impact est tellement près que l'usager qui est frappé, bien, c'est lui qui absorbe toute l'énergie qui est développée, ce qui fait en sorte que souvent les blessures corporelles sont plus importantes. Alors que dans un giratoire, ben, c'est, les accrochages qu'il y a, c'est une collision variable. Donc, ce qui explique également toute la question des dommages. Tout ce qui s'appelle virage à gauche, un véhicule qu'on voit dans un carrefour conventionnel, lorsqu'on désire virer à gauche et qu'un véhicule s'en vient en face de nous, c'est quand même une famille importante d'accidents dans les carrefours. Ça, on ne retrouve pas ça dans les giratoires, compte tenu de la conception qu'il y a. Ça s'explique tout simplement par des petits facteurs mathématiques qu'on peut voir au diaporama souvent, où ce qu'on voit que dans un carrefour conventionnel, à feu de circulation ou sans feu de circulation, parce que les mêmes points sont là, il y a 32 points de conflit. Autrement dit, il y a 32 endroits où est-ce que les véhicules peuvent rentrer en impact l'un avec l'autre. Soit parce qu'ils se croisent, soit parce que on appelle ça les points de conflit là, de divergence, convergence, cisaillement et virage. En fait, c'est en fait en fonction des manœuvres que chacun effectue. À tous les endroits qui se croisent, c'est un point de conflit. Alors que dans un giratoire, il y a seulement 8 points de conflit. Juste cette petite notion-là fait en sorte, explique en théorie là, et en pratique le pourquoi il y a si peu d'accidents avec dommages corporels dans un giratoire et que la fréquence d'accidents est aussi beaucoup moindre dans un giratoire que dans un carrefour conventionnel. Un usager qui se dirige vers un giratoire, ce qu'il voit devant lui, c'est un obstacle. Hein? Un giratoire, c'est un obstacle dans le chemin. Quand on voit un obstacle dans le chemin, peu importe qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, s'il y a quelque chose de tombé dans le chemin, notre comportement, c'est quoi en tant que conducteur? On ralentit. C'est la même chose quand on voit un giratoire. C'est un obstacle dans le chemin qu'on perçoit, donc on ralentit et on adopte notre conduite en conséquence. On n'a pas le choix, surtout quand tu en as déjà pris un. Tu sais que ça ne se prend pas vite, un giratoire. C'est affiché à 25 km à l'heure et ce n'est pas pour rien. Tu ne peux pas le prendre beaucoup plus vite que ça. Pour rester dans une zone de confort là, en tant qu'usager. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent l'essayer à plus vite que ça, ou peut-être certains types de véhicules. Là. Mais un véhicule normal, il prend 25 km, 30 km à l'heure. Bon. Les autres trucs qu'on a parlé, là, la question du devers, bon, mais ça c'est clair, quand la pente est complètement à l'envers, au lieu de t'aider à virer, elle te nuit, hein, parce que ça penche complètement dans l'autre direction. Donc, il est impossible de prendre la vitesse. On peut aller au diaporama suivant, s'il vous plaît. Pour les piétons. Pour les piétons, c'est un peu le même principe. Pourquoi un giratoire, c'est considéré sécuritaire au niveau des piétons également? C'est une question de point de conflit, on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est réellement en lien avec le même truc qu'on a vu tantôt. Le nombre de fois qu'un piéton va être en conflit avec des véhicules est beaucoup moins important dans un carrefour giratoire qu'en dans un carrefour conventionnel. Les piétons, lorsqu'ils traversent un giratoire, la conception même d'un carrefour giratoire fait en sorte qu'il y a toujours un îlot séparateur hein, entre les deux directions. Ce qui fait en sorte qu'un piéton qui traverse a toujours à regarder juste sur un côté à la fois. Il n'a pas besoin de se soucier de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre direction parce qu'il ne peut pas avoir de véhicule qui arrive dans l'autre direction. Il y a un îlot de béton qui sépare les deux directions en partie. Okay? Donc, le piéton qui se déplace d'une direction à l'autre, qui désire traverser le carrefour, a juste à se soucier d'une direction à la fois pour voir venir les véhicules qui vont être en conflit avec lui. Puis comme les véhicules sont en conflit avec, le piéton, il va toujours porter une plus grande attention parce qu'il sait qu'il n'y a pas, il est en conflit avec ces véhicules-là, donc il n'y a pas rien qui d'autre que son propre jugement pour le protéger. Donc, ça fait en sorte que normalement, les piétons font plus attention quand ils traversent un carrefour giratoire que lorsqu'ils se présentent dans un feu de circulation, ils ne regardent pas trop, puis il y a un feu de piétons dans les autres. Il suffit souvent, c'est souvent là qu'on va retrouver les accidents avec les piétons. D'ailleurs, lorsqu'il se produit des accidents avec les piétons dans les giratoires, ce qui est la littérature également aussi, c'est que les blessures corporelles sont toujours beaucoup plus basses que que lors des accidents dans un, avec un carrefour conventionnel, car les questions de vitesse encore. La vitesse est toujours beaucoup moins élevée dans un carrefour giratoire que dans un carrefour conventionnel. Le seul inconvénient pour les piétons qui se retrouvent par rapport au giratoire, c'est pour les personnes handicapées visuelles. Pour eux, comme ils se dirigent avec le son, bien, il est clair que dans un carrefour giratoire, il y a toujours du son. Il n'y a pas de repère pour s'orienter. Ce n'est pas un endroit qui est bien intéressant pour les personnes handicapées visuelles. Si on peut aller au gouvernement suivant, oui. Voici l'histoire des points de conflit dont on parlait tantôt, qui font en sorte pourquoi un giratoire est sécuritaire pour les piétons, c'est que dans un carrefour conventionnel, on a quand même 16 points de conflit, 16 mouvements de véhicules qui sont en conflit avec une traverse piéton, hein, toutes les fois. Alors que dans un giratoire, on en retrouve seulement que 8. Le piéton qui traverse le giratoire, comme on peut voir, peu importe l'approche qu'il prend, il a toujours à se soucier du véhicule qui vient dans la direction où ce qu'il y a à traverser avant le refuge de l'îlot central, uniquement. Alors que dans un carrefour conventionnel, bien, il faut que se soucie des véhicules qui sont en parallèle avec lui, puis il faut que se soucie des véhicules qui virent à droite aussi. Donc, il y a beaucoup plus de... Le piéton a beaucoup plus de manœuvres à devoir anticiper. Ce qu'on va vous montrer, ce qui suit, c'est beaucoup plus des exemples de passage piéton. On voit un exemple qui est présent dans le guide des carrefours giratoires du ministère, où ce qu'on voit un refuge justement pour les piétons, où ce que le piéton peut arrêter et faire sa traversée en deux temps, en fonction du trafic qui se présente. Autrement dit, il se rend dans la moitié de la chaussée, il attend qu'il n'y ait pas de véhicule dans l'autre direction, et il poursuit sa traversée. Les carrefours giratoires, on peut les retrouver autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Par contre, dans ce qui suit, on a choisi de vous montrer plus que ce qui se présente en milieu urbain, et en particulier des cas qui sont actuellement construits au Québec. Hein. Actuellement, dans ce qui a été répertorié dans la province en 2005, il y avait 55 giratoires de construits au Québec, du milieu, du rural, du urbain, l'industriel, et beaucoup d'eux ont été construits par des municipalités. On retrouve entre autres un carrefour comme celui-ci à Chambly, qui est un carrefour municipal, qui est carrément construit dans un milieu urbain, avec des résidences, de la vie autour, là, toutes sortes de choses autour. C'est un carrefour giratoire qui est carrément là, en plein cœur d'un milieu urbain, qui est sous juridiction municipale. Le suivant est à Masson-Angers, qu'on retrouve également en milieu urbain. Il sert plus d'entrée d'agglomération, un peu comme il serait ici à Malartic, où il sert à faire en sorte que les usagers n'ont pas le choix, ils savent qu'ils rentrent en ville, donc le contrôle de la vitesse devient très important. Avec un giratoire, c'est facile à faire. Ça devient une entrée de ville, ça fait un aménagement qui permet à l'usager de bien comprendre que le milieu dans lequel il se présente, il doit contrôler sa vitesse. Le suivant est à Verbum, qui est aussi un carrefour municipal, en plein cœur du milieu urbain. On voit par la photo en haut à droite l'importance des zones piétonnes dans ce carrefour giratoire-là, où on voit les couloirs, les îlots centrales et tout. Tous les aménagements requis pour un bon giratoire. Des exemples de giratoires. Ici, c'est un giratoire qui se trouve à Ville-Saint-Laurent, où ce qu'on voit le piéton, comment le piéton traverse avec l'usager. C'est un giratoire double. Donc, un giratoire qui permet à deux véhicules de circuler en parallèle dans le giratoire, comme le carrefour 117 pour 97 à Val-d'Or, qui est aussi un giratoire double. Beaucoup plus difficile à traverser pour un piéton, on comprendra, il y a plus de voies. Celui à Malartic qui est prévu, c'est un giratoire 5, en passant. Le même aménagement à Ville-Saint-Laurent, où ce qu'on voit les piétons et les véhicules qui arrêtent. Comme on disait, c'est le giratoire double. Ici, c'est un giratoire. Je ne me souviens plus à quel endroit il est, celui-ci. Mais où il y a le même type d'aménagement, on voit piste cyclable, zone piéton, tout le monde se partage l'espace qui est aménagé. On voit le véhicule qui est arrêté pour laisser passer les piétons, avec les aménagements particuliers qui ont été faits dans le cadre de ce projet-là. Et finalement, le dernier qu'on vous présente, c'est tout simplement celui de la 117-97 à Val-d'Or, où il a fallu y penser celui-ci en fonction de la piste cyclable qu'on retrouve du côté ouest, là, en direction de Rouyn-Noranda, où ce que la piste entre Sullivan et Val-d'Or était présente. Là. Il y a eu un aménagement avec les îlots de virage, là, c'est assez complexe. On voit aussi ce qu'on parlait, les angles de déflexion, là, l'espèce de ballon à l'entrée du giratoire. Merci de votre attention. Alors, c'était la présentation de base là, qu'on voulait vous faire ce soir. J'imagine, si vous avez des questions, des commentaires, des préoccupations pour la sécurité, la fluidité de la circulation. Oui, je crois qu'il y a un micro dans la salle pour que tous les participants puissent initier des questions. Bonsoir. En fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a déjà un plan de dessiné pour ça, pour nous donner une meilleure idée de ce que ça peut avoir l'air? Actuellement, le projet est sous la responsabilité de la ville de Manatee. Et il y a des esquisses de ce que pourrait ressembler le futur carrefour giratoire qui a été élaboré. Mais il reste du travail à faire au niveau de la conception. Il reste du peaufinement à faire là, au niveau de plusieurs éléments, la géométrie. C'est pour ça que ce soir, on n'est pas en mesure là, de présenter le concept qui pourrait être aménagé à l'entrée de la ville de Manatee. Puis moi, j'ai une petite inquiétude. J'habite dans ce quartier-là de la rue de la Gueule, puis il y a beaucoup de jeunes enfants qui traversent, puis il y a l'école qui est à proximité. Fait que je me demandais, là, moi je sais bien que j'aurais peur de laisser mes enfants traverser là. Là. Jugement, sont encore jeunes et tout ça. Fait que comment on peut s'assurer que ce soit sécuritaire pour les petits? Bien, selon l'expliqué durant la présentation, je revenais sur un point qu'il a mentionné, c'est que la différence entre un système de feux de circulation et un carrefour giratoire, c'est qu'on divise la gestion de la traversée. C'est-à-dire que le piéton a beaucoup moins de conflits à gérer à la fois. C'est sûr que ça prend du jugement, vous parlez de jugement. Je ne pense pas qu'un enfant de 5 ans serait en mesure de traverser dans un carrefour giratoire, honnêtement. Et je ne pense pas non plus qu'un enfant de 5 ans serait en mesure de traverser un feu de circulation à l'entrée de Malartic dans cette zone-là. Parce qu'il y a beaucoup d'autres inconvénients que M. Laure a mentionné. Des enfants un peu plus âgés, qui sont plus responsables, ça va aussi beaucoup avec la maturité de l'enfant, avec le jugement de l'enfant, être capable d'anticiper les mouvements, être capable d'anticiper les mouvements de véhicules. Je pense qu'à un certain âge, un certain degré de maturité, il y a une capacité à traverser de façon sécuritaire la route. C'est pas évident. Ça fait l'objet de des discussions qu'on a eues avec les représentants de la ville de Manatee. Au début, il ne faut pas se le cacher, c'est les premières analyses, on parlait plus d'un feu de circulation. Il y a des avantages et des inconvénients. Un des inconvénients du feu de circulation, un de ses gros inconvénients, c'est que ça ne permet pas de venir abaisser la vitesse les véhicules à l'entrée de la ville. On se retrouve, vous le savez, vous circulez là, vous êtes des résidents de Malartic. L'entrée de Malartic dans cette zone-là, c'est une zone où la vitesse, qui est en théorie de 50 km/h, elle n'est pratiquement pas respectée. On a des vitesses relativement élevées. Ça fait des années qu'on est conscient de ça. Mais le feu, un système de feu de circulation, le désavantage qu'il a, c'est que durant les phases de feu vert, les gens vont rouler à la même vitesse qu'aujourd'hui parce que l'environnement périrouzie, c'est-à-dire l'entrée de la ville, ne favorise pas chez le conducteur un sentiment qui va le faire diminuer sa vitesse. Il ne se sent pas arrivé en ville. Enfin, à ralentir, ce qu'il faut comprendre, les gens ils commencent à ralentir dans le secteur de l'hôpital ou un petit peu avant à cause du panneau d'arrêt. Mais ils ralentissent avant aussi parce qu'à un moment donné, il y a des bâtiments, il y a de l'activité urbaine et ça, ça incite le conducteur à diminuer sa vitesse. Avec le feu, la crainte qu'on avait et qu'on a toujours, c'est que les vitesses vont demeurer relativement élevées à l'entrée. C'est sûr que quand le feu est rouge, le véhicule arrête. Mais la moitié du temps, sinon plus de la moitié du temps, le feu va être vert. Donc, les gens vont rouler à une vitesse relativement élevée. Parce que c'est ça, dans le fond, les piétons devraient avoir priorité. Les piétons ont priorité, ont toujours priorité. La question, c'est une question de sensibilisation. M. Laure l'a mentionné, il y a d'autres expériences au Québec, en milieu urbain, où il y a eu des aménagements de carrefour giratoire, et c'est sûr que les gens ont pris l'habitude de circuler dans ces carrefours-là, et les piétons aussi se sont adaptés. Parce que c'est ça, à 8h, l'école par exemple, c'est à 8h15 le matin, il y a beaucoup de trafic, puis à 4h15 le soir aussi. Fait, ben, j'imagine qu'il y a des choses à regarder avec la ville aussi au niveau des brigadiers et tout ça, là, mais... Le carrefour giratoire n'enlève pas la pertinence d'avoir sur les heures de classe, ou sur les heures d'entrée et de sortie, un brigadier. Ce qu'il faut comprendre au niveau du comportement de l'usager, puis ça on le fait tous, peu importe, peu importe notre statut, peu importe la façon dont on conduit, et on le fait intuitivement, c'est qu'on conduit en fonction de ce qu'on voit en avant. Donc, une route qui est large, qui permet, c'est pour ça d'ailleurs que sur un 4 voies qui est affiché à 50 km/h, très peu de gens respectent cette vitesse-là, parce que ce n'est pas possible de respecter une vitesse de 50 km/h sur un 4 voies. C'est la même chose que sur une autoroute. Une autoroute, ça a ça, 2 voies par direction. Le message que la route t'envoie, c'est de dire « roule ». La seule façon de contrôler la vitesse intuitivement, c'est de faire des aménagements qui permettent de rétrécir le champ visuel et qui fait comprendre au conducteur intuitivement qu'il doit ralentir sa vitesse. C'est ça que ça fait un giratoire. Je ne sais pas si ça répondait à vos préoccupations. Oui, monsieur, allez-y. Salut. Pour commencer, le giratoire, je vais présenter ce soir pour moi à des zéros. C'est pas convaincant, ça vient de soir partant. Parce que j'ai rien d'idée ce que mon article va faire comme giratoire, comme modèle. Donc, c'est dur à discuter de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ça, la première des choses. Tout à l'heure, vous parlez des enfants de 5 ans qui n'ont pas. Le jugement. Mais un ado de 15, 16, 17 ans, 13 ans, quand l'école est finie, là, les trottoirs ne connaissent pas ça. Ils prennent la rue complète pour aller chez eux. Là, on parle de projet d'école, un giratoire. Je suis certain que c'est la première fois qu'un giratoire proche de l'école dans tout le Québec. La manière que je vois ça. Là, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a moins d'accidents de phénomène. Si les giratoires pour aller à l'école, soit dans le panneau au Québec, convaincu de ça, les enfants vont traverser comme qu'on voit présentement, pas un et de l'autre en file indienne, ils prennent la largeur. 5 enfants, plat. Assez de contrôler ça. Vous êtes parents, moi aussi je suis parent. Je reste à l'école, d'école, puis quand j'essaie d'éviter pas ces cas-là, vers l'heure des fermetures, parce qu'ils prennent leur vie complète. Mais laissez quoi avec ça, ça? Dire à un enfant de 14 ans, pas passer là? Hé, on a eu vos problèmes. En plus, vous allez voir. Prenez les gens qui arrivent de Val-d'Or, qui arrivent de Rouen, qui rentrent dans l'Arctique. J'ai fait l'après-midi. J'ai un gros véhicule, un gros 4-temps. Je suis haut de terre. 50 km, ça bute. Je descends. Je retourne à Watescoot. L'autre but, j'imagine? Si elle est là. Je vois même pas ce qui se passe au bord. Je me souviens bien, le Cité du Québec se mettait à l'eau de la butte, avec le radar poigné de mort parce qu'on ne le voyait pas. Tu en fais quoi avec les enfants que ça vient? Gros transport, l'hiver, le froid, tempête. C'est beaucoup de questions que nous, on se pose. Je ne vois pas être présentement. Yes. J'aimerais avoir une photo. C'est quoi qui nous attend? La maladie, c'est quoi? Je vais essayer de répondre. Vous avez plusieurs questions dans votre intervention. J'en ai oublié, c'est sûr. Je vais commencer par la dernière au niveau des conditions hivernales. Le déneigement se fait comme l'ensemble des routes. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaussée, les trottoirs sont déneigés. Et ce qu'il faut aussi considérer, vous parlez aussi de la visibilité. La visibilité qui doit être offerte au conducteur va en fonction de la vitesse. Comme M. Laure l'a mentionné, la vitesse en carrefour giratoire suggérée est de 25 km/h. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui roulent un peu plus vite, 30-35 km/h. Mais les distances de visibilité à partir du moment où les gens s'insèrent dans le carrefour giratoire et voient la traverse de piéton, parce que la traverse de piéton, il faut comprendre qu'elle n'est pas directement dans l'anneau. Elle est un petit peu en retrait. On a des images. Juste essayer là, absolument. Oui, on la voit bien ici. Je vais juste avancer un petit peu. Ce que je veux juste vous faire remarquer, c'est que l'anneau qu'on ne voit pas ici, où les véhicules circulent, est situé ici. Ça, c'est la bordure de l'anneau. Et il y a un certain espace ici qui est une zone tampon entre l'anneau où il y a quand même des conflits à gérer entre les véhicules et la traverse de piéton. Donc, l'usager, le piéton, quand il arrive ici, comme Gilbert l'a mentionné, n'a qu'à gérer les véhicules qui rentrent ici dans une direction. Je reviens à votre question, c'est sûr que les ados peuvent, à certains moments donnés, pas avoir tout à fait les comportements à lesquels on peut s'attendre. Comme les usagers de la route, comme les conducteurs, mais on doit gérer ça dans son ensemble. Je pourrais vous dire aussi qu'il y a des ados qui traversent ces rouges. Puis ils se font un malin plaisir de traverser ces lumières rouges. Bon, mais ce que je veux dire, moi, c'est que les ados, quand ils traversent, quand ils sortent des écoles, ils se mettent en groupe, ils s'en vont en groupe. Puis quand ils sont en groupe, ils ont priorité sur tout. C'est ça que je veux dire. Oui. Si on ne peut pas enlever ça, on ne serait pas capable d'enlever ça. L'avantage du carrefour giratoire, et M. Laure l'a mentionné, priorité aux piétons. Le piéton qui se présente dans le passage, les véhicules ont l'obligation de s'arrêter. Vous aviez d'autres questions? Je ne sais pas si vous pourriez m'en rappeler quelques-unes. La visibilité en passant les véhicules, avant d'arriver sur un seul bouton, on descend. Oui. Puis là, j'ai plus à parler encore, c'est encore pire dans ma tête. Parce que les voies de giratoire, au bout de la piéton, on va passer, ils sont tous vers le filon d'or, je peux dire, en arrière. Donc, tu vois la butte, la manière je vois ça. C'est encore pire, on ne va ramener pas l'enfant. En affaire de 5 ans, on ne va ramener pas. J'ai dit qu'on va ralentir, je suis d'accord avec vous. On ne va ramener pas. C'est en bas de la butte au bord. On y prend deux buttes. Moi, mais un enfant de 5 ans, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ben, ma perception, c'est que je n'enverrai pas un enfant de 5 ans traverser seul. Soit accompagné. L'école est là. Oui, mais regardez, là. Je veux dire, je pense que comme parents, on a tous des responsabilités. La rue Royale, la route 117 à Malartic, c'est un axe majeur. Peu importe qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour traverser, c'est un axe majeur. Il passe à peu près 6 000 véhicules à chaque jour sur cet axe-là. Moi, je pense en tout cas, comme un bon parent, un enfant de 5 ans, là, ou bien il y a beaucoup de jugements, puis je le laisse aller tout seul, ou bien je prends les moyens, soit je m'assure qu'il traverse quand il y a des dispositifs qui l'accompagnent, une brigadière, ou je l'accompagne, ou je m'assure qu'il y a un adulte qui l'accompagne. Un enfant de 5 ans, là, je ne pense pas que le jugement pour traverser, ni dans le carrefour giratoire, ni au feu de circulation. OK. Mais la navette et la visibilité, vous ne l'avez pas combien? J'adore les giratoires, vous voyez dans le bord, tous les giratoires dans le bord. Quand vous arrivez, vous voyez tous les points. La manière que je vois ça, les points ne vont pas complet. La conception du carrefour giratoire, je l'ai dit tout à l'heure, puis je vais répondre à votre première question. Le travail de la ville, de concert avec le ministère, n'est pas complété. Et tout ce que vous me parlez de là, des distances de visibilité, partie, c'est les premiers critères qui sont analysés dans la conception du carrefour giratoire. Donc, vous faites une assemblée ce soir incomplète. Excusez-moi que je vois ça, mais les gens dans la salle, même chose pour moi aussi. La soirée était complète. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est ici pour vous présenter les principes de fonctionnement d'un carrefour giratoire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la conception des carrefours giratoires. Vous me parlez de vos préoccupations quant aux distances de visibilité. C'est considéré dans la préparation de la conception du carrefour giratoire. Peut-être que ça peut vous rassurer. Quand on parle de distance de visibilité, tel que M. Racon l'amène, on parle d'une hauteur d'œil d'un véhicule, un usager normal. Là, il y a eu des mesures qui ont été prises, là, qui est une hauteur standard. Et il doit avoir un objet d'une hauteur standard également, là, qui est 38 cm. Là. 38 cm, c'est haut de même. C'est plus haut qu'un enfant. Là. Un enfant, c'est un mètre. Hein. Donc, si les distances de visibilité, et c'est clair que les distances de visibilité vont tous être respectées, les distances de visibilité de conception qu'on appelle, quand il va être le temps de faire le design d'un giratoire, c'est clair qu'un enfant est beaucoup plus haut que la distance minimum de visibilité que les critères exigent. Oui, bonsoir. J'ai une question pour le carrefour giratoire. Il pourrait toujours avoir, comme on voit, au feu de circulation, vous pouvez peser sur un piton, dans la bordure jaune qui indiquerait, une lumière jaune qui indiquerait que le piéton pouvait traverser. Donc, comme là, on voit sur la photo, là, on voit le gens qui veut traverser, mettons, qui pourrait arriver, pèse comme une lumière, pareil comme on voit ici, au coin de la rue Royale, ou le restaurant idéal, puis ça l'indiquerait au moins quand le trafic s'en viendrait, il y aurait un gros feu jaune. Ralentissez un piéton ou on sait c'est quoi un feu jaune. Surtout dans le carrefour régionatoire, ça serait peut-être une suggestion à mettre. C'est une possibilité qui est envisageable. On va l'analyser. C'est sûr que c'est pour améliorer la sécurité. C'est un élément plus qui pourrait être intégré dans le projet. Dans le carrefour régionatoire. Ben, au niveau des traverses pour piétons. Oui, c'est ça. Oui. C'est tout. Merci. J'avais juste une question. Moi, je suis spécialiste dans le transport lourd. Quand je regarde la distance approximative du piéton à partir du rond-point, là, il y a à peu près l'espace d'une automobile de distance. Si j'arrive avec un 50 tout au pied, moi, là, il faut arrêter pour un piéton. Il vient de tout bloquer le carrefour complet. Ça va créer des méchants embargos. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est conçu de cette manière-là. Le fait de bloquer le carrefour giratoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps que le piéton traverse, c'est une courte durée parce qu'il n'a qu'à traverser qu'une voie. Et effectivement, ça se peut que dans certains cas, il y ait de l'accumulation de véhicules, soit deux, trois véhicules, ou un camion remorque, et qui amène une certaine entrave dans l'anneau. Mais ça va n'être que sur de très courtes distances, de très courts moments, parce que surtout dans ce secteur-là, la quantité de piétons, il y a une quantité qui est évaluée, mais on n'est pas là, dans un milieu fortement urbanisé où les piétons, on les compte par centaines. Si ça peut vous rassurer, il existe de tels cas, par exemple, à Hull, les derniers qui ont été bâtis sur boulevard Allumette, si je me souviens bien, l'Almatia, il y a à peu près 25 000 véhicules qui passent là par jour dans le giratoire et beaucoup de piétons. Hein, c'est un secteur centre-ville. Et ce que vous amenez là, ça se produit. Il y a des moments où il y a trop de piétons, les giratoires se convertissent parce qu'il y en a quelques-uns de plus. Et quelques secondes, ça se vide, la circulation redevient très fluide. Là. Mais les usagers arrêtent pour laisser passer les piétons. Mais on parle quand même là, au-delà de 25 000 véhicules. Juste aussi un complément d'information, vous parliez des camions tracteurs de mort. L'autre élément aussi, c'est au niveau de la vitesse. Comme ce sont des camions de très gros gabarit dans le carrefour, et ils circulent généralement à une vitesse inférieure que l'ensemble des autres véhicules de promenade, à cause de ce que M. Laure a mentionné, du devers. Donc, ce sont des véhicules qui, dans le carrefour giratoire, circule à 20 km/h, 20-25 km/h, les vitesses maximum. Oui, madame. Oui, bonsoir. Ce qui m'inquiète un peu, où je suis sceptique un peu aussi, c'est qu'au tout début, quand le carrefour giratoire va être instauré, c'est que j'ai de la difficulté à penser que les gens vont être assez généreux pour laisser passer des piétons en premier. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une sensibilisation auprès des conducteurs, c'est-à-dire soit des policiers, des gardiens, je ne sais pas, qui vont peut-être essayer de manœuvrer, de faire des arrêts pour montrer aux jeunes, regardez, c'est vraiment le piéton qui a vraiment priorité. Parce que la façon dont on voit, même juste au stop, même des fois, on peut être au stop assez longtemps parce qu'il y a des gens qui ne font pas leur stop. Ils vont contourner rapidement. Alors, moi, ce que je demande, je ne sais pas si c'est le ministère qui s'en occupe ou bien si c'est la ville, d'avoir des gens qui vont aider justement à sensibiliser autant le piéton, puis de montrer aussi au piéton qu'il a son accès, lui aussi, il a sa priorité. Parce que je sais qu'un adulte, c'est plus facile d'arriver et de dire, bon, regarde, c'est à mon tour, je t'admets, je passe, là, mais avant qu'on en arrive là, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être une sensibilisation à faire. Vous avez tout à fait raison. Quand on implante ce genre d'infrastructure-là qui amène des changements majeurs dans l'attitude ou dans le comportement de l'ensemble des usagers, autant des piétons, des cyclistes, les véhicules, on se doit de faire des campagnes de sensibilisation. Et c'est prévu dans tous les projets. Quand on a aménagé, quand le ministère a aménagé les carrefours giratoires dans le secteur de Val-d'Or, il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont été faites spécifiquement pour le type de carrefour giratoire qui était là. À Amos, il y a des carrefours giratoires qui ont été aménagés ces dernières années. Il y a eu des campagnes de sensibilisation aussi qui ont été faites dans le milieu pour expliquer aux gens comment tout cela fonctionne. Donc, c'est la même chose à Manantier. On ne peut pas implanter quelque chose de nouveau sans expliquer aux gens comment ça fonctionne, sans les avertir, sans les sensibiliser au mode de fonctionnement de cet équipement-là, qu'on retrouve de plus en plus, mais quand même, qui doit faire l'objet d'informations, de campagnes d'information. Et c'est déjà, d'ores et déjà, prévu qu'il va y avoir des éléments d'information auprès du public. C'est quelque chose qu'on pourra envisager avec la ville de Manantique. Peut-être aussi en fonction de certaines clientèles particulières. On parlait tout à l'heure, il y a une école, il y a peut-être d'informations à faire via le système scolaire, les classes, les étudiants. On verra s'il n'y a pas d'autres actions qui pourront pas être ciblées des périodes ou des clientèles particulières. Oui, bonjour. On sait c'est quoi un carrefour giratoire, on l'emprunte. Je pense qu'on n'avait pas besoin de se faire expliquer comment ça fonctionnait le carrefour giratoire, on le sait. On n'attendait pas à avoir ce genre d'explication-là ce soir. Je venais ici pour vraiment le carrefour de Manantique. Comme M. le disait, vous n'avez rien fourni de concret sur ce qu'on est censé avoir à Manantique. Fait qu'on parle un peu dans le vide, c'est des dispositions, ma question, ma préoccupation principale, c'est plus des enfants. Y a-t-il une place dans 53 carrefours giratoires qui existent au Québec? Un giratoire qui est placé près de l'école. Qui a une utilisation avec des brigadiers. Fait jouer ça, là, de la pluie, là. Essayez d'imaginer le brigadier avec des petits-enfants, des petits kids de 6-7 ans, là. Là, il faut qu'ils traversent la rue. Il y en a 3-4 à faire traverser, mais là, ils s'en vont dans le milieu. Il y en a 3 autres qui attendent un bord. Ça va marcher. Ça se fait-tu ailleurs au Québec? Ça serait la première fois qu'il y aurait ça. C'est la première fois. Parce que celui-là, là, c'est le giratoire de Terrebonne. Puis il n'y a rien de plus pire que ce giratoire-là. Les automobilistes ne prennent pas attention aux piétons. Ils ne prennent pas attention aux enfants. Moi, j'ai passé à peu près 3 semaines. C'est l'enfer. Même la ville de Terrebonne veut l'enlever. Puis partout dans Montréal, ce qu'il y avait des giratoires à part que ville Saint-Laurent, partout, même à Dorval, le rond-point, ils l'ont enlevé. Parce qu'il n'était pas sécuritaire. Puis si vous passez là encore, la ville Saint-Laurent, là, il y en aurait juste un. Les autres, ils ont tout enlevé sur le boulevard Argus, boulevard Saint-Jean, toute la gang. C'était pas des giratoires qu'on voit, sont dans les caméras d'or, de votre contournement. Ça circule une fluidité. Il n'y a pas beaucoup de piétons, mais en ville, surtout là, avec la présence de beaucoup d'enfants qui vont traverser la rue, puis c'est pas une école secondaire, c'est une école primaire. Et puis c'est en plus. Et puis c'est votre cas, il va y avoir beaucoup de piétons. Ça marche beaucoup à Malatique en plus. J'essaie de voir que ça va avoir l'air. Puis moi, c'est des enfants, ça me fait peur un peu. Pas parce que je suis contre les giratoires, je trouve que c'est vrai, tout ce que vous avez dit, la fluidité, ça va bien au niveau. Quand quelque chose va bien, c'est vrai que ça va bien. Quand je me mets à la place, des tickets, il faut pas voir qu'ils traversent la rue pour aller à l'école. Là. Regarde, je ne veux pas être un médiateur, je n'aurais pas de dire aux enfants que vous pouvez passer. Je ne sais pas si c'est quoi qui se fait ailleurs au Québec. Personnellement, moi, je ne connais pas tous les giratoires qui sont construits au Québec. Je sais qu'il y en a quelques-uns, comme je vous disais, ils sont bâtis carrément dans des milieux des cœurs urbains. Bon, c'est vrai qu'il y en a eu des démolis, des ronds-points. C'est pas la même chose qu'un giratoire, un rond-point. Hein, c'est pas le même type de comportement. Un rond-point, normalement, la priorité est dans l'anneau. Est à l'entrée. Ce qui fait en sorte que, dans le passé, c'est pour ça d'ailleurs, ça n'a jamais marché trop en Amérique du Nord, contrairement à l'Europe, parce que ça congestionnait. Les gens, tout le monde essayait de rentrer, mais personne ne sortait. Okay? Contrairement à un giratoire où que tu rentres, tu sors. La priorité est dans la nuit. C'est pour ça que plusieurs à Montréal ont été démolis. Okay? À savoir s'il y en a près des écoles, personnellement, moi, je n'en connais pas. Mais comme je vous dis, il y en a quand même plusieurs dizaines là, au Québec. Donc, certains qui sont construits, il y en existe proche des écoles. Là. Il y a un cas qui m'a été déjà cité à Jonquière, mais il n'y a pas de piétons. Là. Les gens, ils vont en véhicule. Là. Donc, c'est pas comparable. Tel qui serait conçu ici, construit ici, bon, personnellement, moi, j'en connais pas. Moi, je n'ai pas d'intérêt à ça pour en faire des carrefours giratoires. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sent le ménage de plus en plus au Québec, dans différents milieux. Comme M. Laure l'a mentionné, il y en a eu plusieurs qui ont été aménagés l'an passé dans le secteur de Gatineau. Et ce sont des carrefours giratoires sur des axes routiers majeurs et en milieu urbain. Autant que ça respecte, je pense que c'est surtout au niveau de cette ville. Comme M. disait tantôt, l'idée des feux jaunes à la salle c'est une bonne idée. J'espère que vous l'avez noté. Oui, c'est déjà des possibilités qui figurent là, dans les aménagements type. Ce sont, hein, ce qu'on peut dire, des options qui figurent dans les aménagements de carrefour giratoire en fonction des différentes situations dans les différents milieux. On comprend qu'ici, en Atlantique, il y a la présence de l'école, qui est quand même un milieu avec une clientèle particulière, qui pourrait amener des aménagements particuliers comme clignotant jaune. Les craintes qui ont été apportées concernant la traversée des piétons, des vélos, tout ça, c'est pas d'hier. Là. Les premiers giratoires là, ont été bâtis, moi je connais, on a pensé que c'est bâti à Val-d'Or. Ces discussions-là, la crainte, entre autres, de 117 pour 97, où ce qu'on retrouve une piste cyclable, il y a quand même passablement d'usagers qui circulaient là. Ça faisait partie des discussions avec la ville de Val-d'Or. Je suis certain que vous connaissez des gens avec qui on a échangé dans le ministère et cette clientèle-là. Parce que ces craintes-là, ça a toujours été. La vulnérabilité du piéton. La seule chose qui fait qu'un giratoire apporte réellement comme sécurité aux piétons, c'est le fait que la vitesse est tellement réduite que l'impact, le véhicule qui se présente, qui s'en va pour rentrer dans le giratoire, quand il voit un piéton, il sait qu'il va devoir quand même arrêter pour céder le passage au giratoire. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile d'accepter. L'acceptabilité de l'usager qui est en arrière de son véhicule est beaucoup plus grande pour respecter un piéton que dans un carrefour conventionnel. Oui, madame. Bonsoir, moi c'est juste une petite question avant la visite au carrefour que j'ai rapport, on sait que quand on a vu le droit de s'en aller vers Martin, il y a une délégation assez importante. Alors, je ne sais pas si la ville ou si le ministère des Transports ont pensé mettre ça égal pour qu'on justement puisse avoir la visibilité de ce qui se passe à la main. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui. Ce qu'on peut vous dire, c'est que peu importe l'aménagement qui va être construit à la rue de la Paix, que ce soit un carrefour conventionnel ou un carrefour giratoire, ce qu'on discutait tantôt au niveau des conditions, des critères de visibilité à l'arrêt, qui sont les critères minimums, ça devra d'être respecté. Donc, le véhicule qui se présente là, mais ça veut dire quoi? Dans un cas comme ça, la vitesse est à 50 km/h. C'est sûr que l'usager qui se présente là et qui roule 90 ou 100 km/h, il ne respecte pas sa visibilité parce que la conception est conçue pour une vitesse affichée à 50 km/h. Donc, ça peut paraître soit que l'usager va trouver que ça vient vite, hein, ou on va trouver en tant que piéton ou en tant qu'usager, autre usager qui roule trop vite dans une voie. On ne peut pas respecter la délinquance. On ne peut pas appliquer des normes pour les délinquants. Il y a des critères de conception en fonction des paramètres de géométrie. Je reviens sur un point pour compléter la réponse de M. Laure qui a été mentionné dans la présentation, c'est qu'aux approches, il y a toute la question des chicanes qui sont aménagées, qui ont pour but de faire ralentir les véhicules. Ces chicanes-là, c'est une question, sont pas là pour des questions esthétiques, ils sont là spécifiquement pour inciter le conducteur à réduire sa vitesse. C'est comme M. Laure vient de le mentionner, le véhicule qui se présente à 80 ou 90 km/h, il ne réussira pas à passer. C'est fait pour ça. Il va frapper quelque chose, il ne passera pas dans le carrefour giratoire. Il va avoir l'inconfort dans la chicane et il va être obligé de ralentir. Si vous faites l'essai, là, je vous suggère pas de le faire, à Val d'Or, vous essayerez dans les carrefours giratoires, et M. Laure l'a mentionné, à Val d'Or, il y en a un carrefour, si vous le regardez, il est différent des autres parce que l'anneau est plus grand. Parce qu'il est conçu pour que les véhicules passent en double. C'est pas ça qu'il va y avoir ici, c'est sûr. C'est un carrefour avec un anneau simple. Vous essayerez dans un carrefour giratoire de passer à 70 km/h. Et si vous n'avez pas de sueur froide, c'est parce que vous êtes un très bon pilote et que vous avez une très bonne voiture. Ça ne passe pas. Vous allez avoir le réflexe, votre pied, là, il va aller sur les freins tout seul. Parce que vous allez avoir peur. C'est fait pour ça l'aménagement. Le concept de carrefour giratoire, je le trouve tout à fait valable. Mais je m'interroge comme plusieurs ici à savoir chez nous quelle forme ça va prendre exactement. En fonction des caractéristiques du terrain, notamment la dénivellation. L'idée de remplir peut-être pour la partie au nord du carrefour giratoire, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ici, il y a du remblai, peut-être même envisager une traverse sous la route à ce moment-là pour les piétons. Je sais qu'ils sont pas quelque chose d'un peu plus majeur, mais qui vient par même régler peut-être une partie du problème pour les plus jeunes. J'ai déjà aussi souligné au conseil de ville de penser ne pas mettre rien au milieu de l'anneau. Ceux qui connaissent le carrefour à l'entrée est de Val d'Or, par exemple. C'est bien joli faire l'aménagement floral, mettre un monument là-dedans, mais ça serait une entrave à l'habité. Quelqu'un qui arrive de l'autre, s'il a la chance, un automobiliste, de voir 50 mètres à l'avance qu'il y a un brigadier de l'autre côté de l'anneau, ça me plaît davantage que quand il voit qu'il est en train de tourner et qu'il est seulement à 15-20 mètres du brigadement en question. Finalement, on en a discuté à notre dernière réunion de Malartic en santé, au comité qui veille à l'intérêt des citoyens de la ville. On voudrait savoir s'il y a moyen d'avoir les détails de ce qui s'en vient comme mesure temporaire. Évidemment, cette année, il est trop tard pour qu'on ait la construction qui débute. Donc, on va avoir des mesures temporaires. Et actuellement, la situation me semble loin d'être idéale. La ville a fait ses efforts de mettre de la signalisation, mais il y a beaucoup de panneaux quand on rentre dans un village, dans une ville. Et actuellement, les panneaux qu'il y a ne se démarquent pas vraiment du reste de la série de panneaux qui rentrent dans la ville. Donc, je ne crois pas que c'est très visible actuellement pour un automobiliste. L'automobiliste qui n'est pas habitué à l'article, qui veut juste se promener là, sur de plus longues distances, ça ne me paraît pas plus évident que ça ne l'était auparavant. Alors que maintenant, on a une clientèle piétonnière jeune qui circule depuis l'ouverture de l'école des explorateurs. Alors j'aimerais, à long terme, qu'il y ait un meilleur affichage, une meilleure signalisation à l'entrée de la ville. Les feux clignotants, c'est une excellente idée. Soit à distance, soit près du carrefour giratoire. Puis il faudrait que cette signalisation-là se démarque vraiment de ce qu'il y a à l'entrée de la ville pour attirer l'attention puis vraiment marquer le coup, même avant qu'on ait notre carrefour giratoire. Qu'il y ait une clientèle scolaire qui traverse maintenant, c'est pas vraiment explicite actuellement. Alors j'aimerais ça, si vous avez des plans déjà de ce qui va venir avant, feu de circulation ou signalisation. Si vous pouvez me renseigner là-dessus, je vous encourage à faire une action là-dessus, de la sécurité. Je retiens deux préoccupations de votre intervention. La première, c'est sur les aménagements à l'intérieur même de l'anneau, au centre. Il y a une raison pour laquelle il y a des aménagements qui sont favorisés au centre de l'anneau. Effectivement, ça coupe une partie de la visibilité de l'autre côté de l'anneau, c'est du carrefour giratoire. Mais il y a des éléments positifs. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Entre autres, en mettant des piliers de béton ou des objets fixes très solides, dans le sens où si jamais il y avait un véhicule qui perdait le contrôle et se ramassait, dérivait dans le centre de l'anneau, l'objectif, c'est pas qu'il y ait encore plus de dommages là, en frappant un objet fixe massif. Par contre, des aménagements paysagers qui permettent de couper le champ visuel. Le principe là, de la vitesse, là, c'est des combinaisons de sentiments d'insécurité ou de confort chez l'usager. Vous êtes tous, ou pratiquement tous, des conducteurs de véhicules et normalement, vous devriez adapter votre vitesse à votre perception du niveau de sécurité. Si vous êtes sur une autoroute, vous n'avez pas besoin du panneau qui vous dit de rouler à 100 ou 110, vous allez rouler à cette vitesse-là. Pourquoi? Parce que vous avez des très bonnes distances de visibilité, vous êtes sur un réseau autoroutier où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de piétons, qu'il n'y aura pas d'entrave qui vient de chaque côté, parce qu'il y a des échangeurs qui permettent de gérer les mouvements de circulation d'entrée et sortie sur l'autoroute. Ça, c'est un exemple extrême. À l'autre exemple, dans une petite rue très locale, où vous n'avez pas besoin du panneau qui vous dit de rouler à 50 km/h, si vous êtes un conducteur responsable, comme la majorité des conducteurs, vous allez rouler à 40, 45, 50, peut-être un petit peu plus, 55. Vous allez adapter la vitesse en fonction de votre sentiment de sécurité comme conducteur en arrière du volant de votre véhicule. Je reviens à l'aménagement qui est au centre de l'anneau. C'est un peu ce principe-là. Ce qui est recherché dans ce concept-là, c'est de briser la perception visuelle. Si j'arrive, puis au sol, il y a un anneau, une petite bosse, un petit aménagement à ras, puis gazon. Comme usager, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir loin devant. Et quel signal ça me donne? C'est que je ne vois pas d'obstacle, ça va bien, je suis confortable, puis je peux aller un peu plus vite. Donc, le principe de l'énagement, soit par des arbustes, soit par de la végétation, vient couper cette perception-là. Comme usager, je vois un obstacle en avant de moi, peu importe ce qu'il est, je vais ralentir. C'est ça l'objectif qui est en arrière de ça. C'est sûr que ça doit être fait de façon intelligente en fonction des caractéristiques du milieu aussi. Mais c'est le grand principe de base, c'est ça. La deuxième question ou commentaire que vous avez fait portait sur, j'ai un petit peu de mémoire, je vais y revenir, les mesures temporaires. Le ministère a installé au début de la période scolaire, à la demande de la municipalité, de la ville de Manatee, la traverse avec la signalisation pour la traverse scolaire pour permettre, entre autres, de venir appuyer la traversée des écoliers et aussi le travail de la brigadière. On est en discussion actuellement pour voir s'il n'y a pas des moyens intérimaires qui pourraient être mis en place rapidement, qui pourraient améliorer la sécurité, la traversée des piétons et surtout des écoliers et des jeunes enfants. Je pense que, je reviens toujours sur le principe de base, on est sur un axe majeur. Malartic est en train de se transformer, est en train d'évoluer. Il y a un quartier complet qui a été déménagé, il y a une école qui s'installe, ça amène de l'adaptation. Le ministère, la ville, on est en train de s'adapter à ce nouvel environnement-là. Et on va faire tout ce qui est possible pour l'améliorer de façon transitoire avant l'aménagement définitif lorsqu'il sera aménagé. Bien, les travaux du carrefour giratoire sont sous la responsabilité de la ville. Je ne sais pas si M. le maire veut répondre ou me laisse la liberté de répondre. Actuellement, le calendrier avec lequel on travaille en collaboration avec la ville, c'est un calendrier qui nous amènerait une construction, un aménagement au printemps 2010, au début des travaux, là, au début, après la période de TGL. Nous, on pense avec la ville que c'est une période qui est propice à ce type d'aménagement. On comprend qu'en région, c'est difficile de faire des travaux l'hiver, là. On a des conditions particulières. Et il faut aussi, il ne faut pas se cacher, la conception du projet, il faut la préparer, il faut préparer les plans de devis, il y a plusieurs étapes. Après ça, il y a des étapes d'appel d'offres et tout ça là, qui s'enchaînent. Là. C'est un projet majeur. C'est une construction de combien de temps actuellement avec ce qu'il faut aménager? Un mois, deux mois? C'est plusieurs mois parce que c'est un projet majeur. Je pense que l'objectif commun qu'on peut avoir avec la ville de Manatee, c'est que l'ensemble de l'aménagement soit réalisé pour la rentrée scolaire à l'automne 2010. Je dis complet, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être opérationnel avant, mais je pense que l'objectif qu'on peut se donner, c'est d'avoir libéré le secteur en termes de travaux avant la prochaine période scolaire. Mais là, je m'avance un peu, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager là, compte tenu des enjeux du secteur. Merci de vous être déplacé. Premièrement, j'avais un commentaire. Si je fais abstraction à tout ce que vous avez dit, là, personnellement, je ne m'avais pas convaincu là, que c'est plus sécuritaire de traverser le mal. Pour mon expérience personnelle, je restais à Val-d'Or et je ne m'avais pas convaincu que c'est plus facile de traverser dans le carrefour giratoire qu'un feu rouge. Personnellement, un feu rouge, difficile d'être plus sécuritaire pour arrêter de ça personnellement, c'est mon opinion. Ensuite, j'aurais une question. Si je regarde le carrefour giratoire à Val-d'Or, on a comme deux concepts. On a un que les trottoirs et les piétons sont vraiment adjacents à la route. Puis il y en a d'autres, puis on a une espèce de parapet entre les piétons et les voies circulatoires. Physiquement, je me demande si on a la possibilité de faire ça à Malartic. Dans l'intersection, ce qu'on parle, d'éliminer la proximité entre les véhicules et les piétons. Pour avoir déjà resté à proximité d'un des carrefours, il y a une grosse différence de ce point-là. Puis je me demande si physiquement c'est faisable de le faire à Malartic. Ça, dans le fond, c'est la conception qui va nous le dire. Plus le projet va avancer, plus les plans et devis vont cheminer, plus ce genre de choix-là va se présenter. D'accord. On sait qu'il va y avoir seulement une voie, mais on n'est pas capable encore de dire si le secteur piétonnier peut être éloigné du carrefour. Parce que souvent. C'est parce qu'il faut allumer. Il y a certains éléments qu'il faut de toute façon allumer avec le développement de la ville. Les trottoirs, des passages piétons, bon, on en fait là où il y a des trottoirs. On n'envoie pas les piétons dans la pelouse où il n'y a pas d'aménagement. Tout ça devrait être discuté avec la ville. Et la conception va être faite en conséquence des choix qui seront faits. Ce ne sera pas long. Deux petites choses. Pour avoir voyagé beaucoup sur les routes, là, je vois souvent des parfois giratoires. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est vrai que ça fait ralentir le trafic. Quand on arrive dedans, on le sait. Et puis, je ne sais pas s'il y aurait possibilité, sur les heures scolaires, d'avoir. Je pense aux lumières jaunes de tantôt, là, d'avoir des lumières jaunes qui s'allument automatiquement. C'est des chevaux, dans, mettons, de 8h à 9h, qui allument des lumières jaunes automatiquement, là, qui disent, mettons, danger, zone scolaire. Et même que, présentement, sur les heures scolaires, que tu as possibilité d'avoir une. Baisser la limite de vitesse sur la 117 en rentrant à Malartic. Comme qu'on voit souvent, mettons, quand on arrive sur les voies ferrées, si le train approche, tu vas avoir des gros panneaux. Avec une lumière jaune qui va dire attention, ralentissez dans tant de temps, dans 500 mètres, il y a un train qui s'en vient. As-tu possibilité d'avoir ça présentement pour la sécurité des jeunes qui est là présentement, là, dans un court laps de temps? Ça se fait-tu? Pour la deuxième question. Oui, après, la deuxième, je l'ai bien saisi. La première, c'est que le feu, ben, les feux, comme des feux jaunes qui indiquent. Que c'est une zone scolaire, mettons, qui s'allume automatiquement dans les heures scolaires, soit à midi, à 8h le matin et à 3h30 le soir, qui est automatiquement, sans que personne n'ait les allumer, qui a un système automatique comme les feux de circulation après 10h qui tombent vert là, automatiquement. Ça, c'est une question normative, je vais laisser ça, c'est une question normative, effectivement. Au Québec, on n'a pas le droit de faire ce genre de fonctionnement. Quand on met un fonctionnement signaux lumineux, quoi que ce soit, normalement, il doit fonctionner soit à la demande, c'est-à-dire avec un appel, je ne sais pas moi, passage de train, vous avez parlé tantôt. Si un panneau de préparez-vous à arrêter pour un train, ben, il va s'activer juste quand il va avoir le passage du train. Par contre, pour tout ce qui est autres signaux, sur le réseau du ministère de Transport, nous, on n'a pas le choix de suivre nos propres normes, qui sont les normes du ministère. C'est une chose qui n'est pas permis de faire varier dans le temps, dans une journée, ce genre de truc-là. Okay. Il y a des municipalités, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas au Québec, parce qu'il y a des municipalités qui ont ce genre de truc-là sur leur réseau. Okay. Parce que là, on parle dans une nouvelle zone scolaire, sur une entrée de ville 90 km/h sur le 117 Nord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du ministère de Transport qui. S'est assis dans le véhicule et regardé pendant les heures scolaires de transport. C'est assez impressionnant le matin. Moi, je vois pas tout mon petit garçon le matin. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup plus que je pensais même, parce que là, c'est une nouvelle école. Et puis, c'est ça, au moins, peut-être essayer de diminuer la vitesse à 70 km/h à partir de la deuxième vallon là, pour ralentir le trafic. Elle est déjà à 50. Elle est déjà à 50? Elle est déjà affichée à 50. La vitesse. Plus loin. Ça en a par ici. Je vais répondre à votre préoccupation, ça j'avais bien saisi, la deuxième partie de votre intervention. La vitesse affichée actuellement à l'entrée, c'est 50 km/h. Vous me faites signe avec la dimension du panneau. On mettra un panneau de 4 pieds par 8 pieds, même impact. Pourquoi? Je vais juste vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure sur. La zone de confort du conducteur. Nous, on travaille avec la grande majorité des conducteurs avec leur comportement. Ce qu'on regarde, c'est 85% du comportement des conducteurs. Ce que les études ont démontré, c'est que 85% des conducteurs adaptent leur vitesse en fonction de ce qu'ils perçoivent de l'environnement traversé. Le panneau, il n'est là que pour une indication. Ce n'est pas avec ça qu'ils vont ajouter leur vitesse, c'est avec l'environnement traversé. Et actuellement, la situation à l'entrée de la zone urbaine, c'est que, faut pas se cacher, oui, on arrive de Rivière-Eva, 90 km/h, il y a le véritable changement, et je l'ai dit tout à l'heure, le véritable changement dans l'aménagement périroutier, on le constate à peu près à la hauteur, l'école, la ancienne cour, tout ça, et là, les conducteurs commencent à avoir une vitesse qu'on pourrait qualifier d'acceptable. Ce n'est pas un panneau de 50. Ça, si vous voulez faire ça, on ne changera rien. On va laisser le panneau qui est là 50 et 24 heures sur 24, on va mettre un agent police. C'est sûr que ça va fonctionner. Et là, je vous dirais, on va oublier tous les principes que je vous ai mentionnés, puis on va régler beaucoup de problèmes. Sauf au Québec et comme partout ailleurs, ce n'est pas le même qu'on fonctionne. On n'a pas une police à mettre à chaque endroit de la ville. Et vous posez la question, est-ce qu'on s'est déjà installé, est-ce qu'on a déjà fait des observations? Oui, on a fait des observations. On est équipé au ministère des Transports, on a des radars, la même technologie que les policiers. On fait comme eux, on s'installe dans des véhicules banalisés et on fait des études radars. Les études radars, ils nous ont démontré que la vitesse était élevée. Mais comme je vous dis, les solutions ne sont pas en changeant un panneau. On a déjà reculé le panneau par rapport à ce qui était l'an passé, avant qu'il y ait le projet de Cisco, avant qu'il y ait des travaux qui s'effectuent dessus. Si vous avez fait, si vous avez porté attention, le panneau de 50 km/h, il était plus proche de la zone urbaine. Pour des considérations pratiques, quand il y a eu les travaux, on l'a reculé, on l'a mis plus dans la zone de 90, d'une certaine distance, et vous n'avez pas constaté de changement de comportement. C'est tout simplement. Il y a l'étude qui a été faite par la ville, qui a analysé l'entrée de la ville. Parce que le concept dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas le concept d'un carrefour, d'une intersection qui va desservir une école puis un quartier. Ça va au-delà de ça. C'est qu'on regarde, c'est l'entrée de la ville. Et dans l'étude et dans les plans d'aménagement de la ville, dans les plans d'urbanisme, il y a du développement qui est prévu un peu en amont de l'intersection. Et ça, nous, on s'en félicite parce que ça va amener un nouveau cachet à l'entrée de la ville, ça va amener un changement dans l'environnement et les véhicules vont ralentir tout seul. Y aurait-tu moyen d'avoir, mettons, des panneaux, nouvelle signalisation, zone scolaire, oui, ou quelque chose de même? Présentement, il n'y a pas présentement. Ça, on va faire des démarches pour que rapidement, il y a des panneaux. Je suis convaincu, ça va être écrit une nouvelle signalisation. Je vous le dis ce soir, ce ne sera pas des panneaux de 4x8, ce sont des petits panonceaux qu'on met sous la signalisation qui indique le passage piétonnier, le pré-signal. C'est un petit panneau, nouvelle signalisation. Et sur le chemin, j'ai vu aussi dans, je ne sais pas c'est quoi, les critères, ils appellent ça des wake-up bumps, c'est comme des trous qu'ils mettent dans l'asphalte. Quand tu as un grand arbre ou une boule de berette qui se passe à venir, c'est comme pour réveiller la personne pour dire oh, tiens, fais attention, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne sais pas s'il y aurait. J'ai juste une idée de même là, pour la nouvelle signalisation, mais pour rentrer en ville, peut-être un genre de pompe demain pour. Peut-être pas, mais. Il y a des places qu'on voit ça quand il y a des. C'est un aspect normatif. Tu vas laisser M. Laure répondre à votre préoccupation. Il y a toutes sortes de trucs demain qui ont été essayés, soit pour essayer de réveiller l'usager qui conduit pour dire. Il y a toujours du pour et du contre. Parmi le contre de ce genre de truc-là, c'est le bruit que ça fait. Pas sûr que les résidents qui vont rester autour, qui vont aimer bien ça, entendre le tout le temps, là, toutes les fois qu'il y a un véhicule qui passe, ça devient irritant. Ça. Ce genre de truc-là, c'est souvent mis dans les milieux urbains, dans les milieux isolés où il n'y a pas de résidence autour, pour ça réveille l'usager justement qu'il se passe de quoi, il arrive à un carrefour ou quoi que ce soit. Vous lui dites, hey, réveille-toi, il y a quelque chose qui se passe en avant. Mais c'est réservé strictement au milieu. Et si ce moyen-là n'est pas coordonné avec un aménagement qui amène un apaisement de la vitesse, Il va fonctionner. Vous allez surprendre l'usager la première fois qu'il va passer là. La dixième fois, là, hey, il va dire, c'est le fun, je pensais que tu allais je vais continuer parce qu'il n'y a rien dans l'aménagement qui me dit ralenti. La police, là, tantôt, j'en ai parlé, hein, on trouvait ça drôle. Ça va marcher. La journée qu'elle a, le lendemain qu'elle a, le surlendemain, puis les trois jours après. Après ça, bon, on va revenir à la situation initiale. Ça, on l'a vécu. Bon, si vous parlez à des policiers, ils vont tout vous le confirmer. C'est le même principe. Et en terminant, bien, j'aimerais beaucoup que les nouvelles pancartes au nom scolaire soient installées le plus tôt possible pour la sécurité de nos enfants dans la nouvelle école. Premièrement, l'idée des policiers, je suis d'accord avec vous qu'à la longue, ça peut s'effriter. Par contre, je suis convaincue que des 6 000 véhicules qui passent là à chaque jour, il doit, le pourcentage de touristes là, qui font Montréal-Vancouver, il doit être très peu élevé. La majorité le font à chaque jour, justement. Fait que je pense que les policiers vont peut-être amener un peu de sensibilisation au départ, juste pour, hey, garde, soyez conscients là, que c'est un nouvel aménagement. On ne la met pas de côté. D'ailleurs, ça fait partie des propositions qu'on a discutées avec la ville de Malartic. Ensuite, je vais en venir, qui est l'aspect normatif sûrement, aux clignotants jaunes. Si j'ai bien entendu, on a le droit d'en mettre un sur des systèmes, exemple, de train. On n'a pas le droit de mettre un clignotant jaune sur des périodes fixes parce qu'il faut qu'il soit à demande. Est-ce qu'un clignotant jaune que la brigadière activerait au moment où elle en a besoin, ça serait un système à demande, ça? Oui, c'est le genre de système que je vous disais tantôt qui existe en milieu municipal, mais qui n'existe pas sur une route du ministère des Transports. Puis, c'est le milieu municipal à grandeur de notre municipalité? Vous êtes le ministère des Transports d'un bout à l'autre de notre ville? Non, la route 117, la rue Voyelle, oui, c'est ça. La route sur la juridiction du ministère des Transports. Donc, on est municipal, mais tout ce qui est en dehors de la rue Voyelle. Exactement. Je vais apporter un petit bémol pour être précis dans votre réponse. Sur le territoire de la ville de Malartic, il y a deux routes qui sont sous la gestion du ministère des Transports. Il y a la rue Royale, la route 117 en fait, et le chemin du lac Maurier, qui est une route sous la gestion du ministère des Transports. Juste pour préciser la réponse, là. Il y a deux axes qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports à Malartic. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier-là, on travaille depuis plusieurs mois, plus qu'une année, avec la ville de Malartic. Les discussions avancent, le dossier chemine, les concepts s'améliorent à toutes les fois qu'on se rencontre. Et c'est pour ça que, pour répondre tout à l'heure à la question, à savoir quand le carrefour Jonatoire sera aménagé, ça demande beaucoup de réflexion, d'amélioration du concept. On en discute, je vous l'ai dit, puis je ne voulais pas cacher. Le premier concept qui était sur la table, c'était un feu de circulation bien simple. Je pense qu'on a convenu avec les représentants de la ville que ce n'était pas la solution optimale pour mettre en valeur la ville de Valenciennes et surtout avoir des impacts sur la sécurité et la fluidité de la circulation. Donc, c'était dans la question. Est-ce que le choix est arrêté à dire oui, c'est un carrefour giratoire qu'il peut y avoir là? Il reste juste l'aménagement, la décision est prise. Je vous dirais qu'actuellement, le ministère et la ville, on converge vers cette solution-là. Il n'y a pas de décision finale qui a été prise, mais les travaux, depuis plusieurs mois, convergent vers l'implantation d'un carrefour giratoire. La question tantôt, est-ce qu'il y en a dans le niveau scolaire? Probablement pas. C'est peut-être juste un commentaire. Si on finit avec un carrefour giratoire avec un brigadier scolaire, c'est peut-être, il y aurait peut-être lieu d'en mettre deux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on tombe avec deux sections à traverser. Là, c'est plus brigadier, je suis dans le milieu, c'est la ligne jaune, et je suis capable de faire arrêter les deux côtés en même temps. Dans le carrefour giratoire, c'est plus ça. Là, il y a comme la zone parcourée, je dirais, là, entre les deux. Mais la traversée s'effectue en deux temps, mais c'est la même brigadière qui fait les deux temps. Donc, il n'est pas question de laisser des enfants sur l'îlot central. Les mouvements sont toujours dans la même circulation. À l'entrée des classes, on traverse la route 117 dans une direction, à la sortie des classes, c'est dans l'autre direction. Donc, la brigadière elle se met du côté où les étudiants arrivent et fait la manœuvre complète pour traverser l'ensemble de la route 37, mais en deux temps. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir deux brigadières. Ce qu'il faut également considérer. Le suivi de ce qu'il y a. Le suivi des autres enfants qui attendent pendant que la brigadière est partie avec un groupe, il y a un autre groupe qui va attendre parce qu'il va arriver d'autres jeunes entre temps. C'est là la demande de. Regardez, la situation est la même pour toutes les situations. Quand on avait ici, à temps où l'école était ici, il y a une traverse scolaire en section courante. Sur la rue Royale, il y avait des étudiants qui arrêtaient. La brigadière s'en allait au centre, accompagnait les étudiants, jusqu'à temps qu'ils soient rendus au bord. Les étudiants qui arrivent en arrière, là, ils attendent, parce que les consignes qui sont données. Ils attendent parce qu'elle est au centre. Ils attendent parce qu'elle est au centre, puis elle voit. Oui. Mais quand elle va devoir traverser le carrefour de la foire au complet, demain qu'elle s'est rendue à l'autre bout, au centre, qu'elle avait mon coup. Ah oui, oui, mais attendez un petit peu. Là, je vais juste expliquer quelque chose. Vous savez l'image qui est là. Là. Ici, on a la traversée complète. Là, on voit que le piéton, il est au centre, dans les lots de refuge central. Les étudiants, si le matin, ils se présentent ici, ben, la brigadière, elle attend qu'il y ait une certaine accumulation, comme elle fait tous les matins. Si elle dit, ben, moi, mon critère, c'est que j'attends qu'il y ait 5 étudiants, 5 écoliers, à part avec ces 5 écoliers, elle les fait traverser la première demi-chaussée. Elle a juste une direction à gérer. Elle continue dans l'îlot. Elle fait sa deuxième traversée dans l'autre direction. Et revient. Et revient. Et revient ici. Puis il dit, ben, là, ici, okay, j'ai des étudiants. C'est comme n'importe quelle traversée. Ils doivent attendre que la brigadière revienne pour les accompagner. Est-ce que tu vois si c'est clair? Ça vous va? Non? Non? C'est pas clair pour moi. Parce que quand elle fait son rond comme ça, là. Elle fait pas de rond, là. Je... Non, mais on est ici, là. Je vous ai fait ici, là, les véhicules qui sortent du carrefour, ça s'en vient ici. Elle les fait traverser une direction à la fois, ça va dans l'îlot. Quand elle est dans l'îlot, elle est en sécurité, elle n'est pas dans les voies de circulation, elle a ses 5 écoliers avec elle. Maintenant, je vais entamer la deuxième partie de la traverse, qui est toujours visible, ça, il n'y a pas d'obstacle là-dedans. Donc, elle fait sa deuxième traverse, elle se range jusqu'à mi-chaussée. Elle fait traverser les 5 écoliers et elle revient. C'est sûr que lorsqu'il y a des étudiants délinquants qui partent à la course. Non, c'est pas des enfants délinquants, c'est elle qui va être rendue de l'autre côté, puis elle va pouvoir en revenir. Elle ne se rend pas de l'autre côté. Le plus loin qu'elle se rend, là, c'est la demi-chaussée qui est ici. Après ça, elle s'en revient tout seule. C'est sûr que si elle arrête au centre et elle revient ici, accompagner, récupérer un autre peloton. Elle est toujours au centre. Elle est toujours au centre. Non. Non. Alors, viens ici, sur le trottoir, récupérer un autre peloton.